Carmen est donc sûre d'avoir beaucoup de talento artistico. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, nous venons de croiser une autre transformation qui fonctionne pour plein de petits mots de tous les jours. Il s'agit de talent qui devient talento. Vous devrez juste ajouter un O à ces mots se terminant par ENT pour les transformar en espagnol. Cette petite astuce fonctionne dans la plupart des cas. Êtes-vous en train de penser que tout à l'heure, nous avons vu qu'il fallait ajouter un E au mot se terminant par ENT? Oui, effectivement, nous avons vu cela pour ce que l'on appelle les adjectifs, comme évident, evidente. Vous vous souvenez, les adjectifs, ce sont les mots qui servent à donner de la couleur au nom. Toutefois, ici nous parlons des noms qui n'ont pas de forme au féminin, comme talent, talento. Les noms se terminant par ENT deviennent ENTO en espagnol. Donc, moment se dira, bien sûr, c'est momento. Donc, comment diriez-vous, sachant que doute se dit duda, D-U-D-A, honnête, honesto, H-O-N-E-S-T-O, et le plus, lo más, L-O, plus loin, M à accent aigu S. Il y a des moments de doute dans la vie, mais le plus important, c'est d'être honnête. Coupons la phrase en deux. Dites d'abord, il y a des moments de doute dans la vie. Hay momentos de duda en la vida. Hay momentos de duda en la vida. Dites maintenant, mais le plus important, c'est d'être honnête. Pero lo más importante es ser honesto. Pero lo más importante es ser honesto. Honesto se met aussi au féminin et devient alors honesta. Remarquez qu'une lettre avec un accent circonflexe perd cet accent en espagnol, car il n'existe pas dans cette langue, et est généralement suivi d'un S. Nous venons de voir par exemple honnête, honesto. Il y a aussi âpre, aspero, hôpital, hospital. Ces mots avaient également un S en vieux français, mais la langue évoluant, ces S sont tombés. L'accent circonflexe indique qu'il y avait un S auparavant. Toutefois, ses origines latines ont été conservées en français dans certains mots de la même famille, comme dans aspérité, hospitalier, etc. Revenons à nos mots en ento. Dites maintenant, en utilisant pescado, P-E-S-C-A-D-O, pour poisson, le poisson est un aliment nutritif. Oui, on a bien, el pescado es un alimento nutritivo. Redites la phrase encore une fois, s'il vous plaît. El pescado es un alimento nutritivo. El pescado es un alimento nutritivo. Auparavant, nous avons vu que poisson au pluriel se disait peces, P-E-C-E-S. En effet, en espagnol, on fait la différence entre le poisson qui est vivant dans l'eau, on parle alors de pez au singulier et peces au pluriel, et le poisson mort qui est dans notre assiette. On emploie alors pescado, qui veut dire d'ailleurs qui a été pêché. C'est le participe passé du verbe pescar, P-E-S-C-A-R, pêcher. En parlant de nourriture, comment diriez-vous condiment? Condimento. Condimento. Voyons une autre transformation. Quand pour le mot en ENT, auquel on ajoute un O en espagnol, moment, momento, pour transformer les mots se terminant en IT, on rajoute un O. Circuit donnera par exemple circuito. Délit, delito. Comment diriez-vous maintenant? Votre appétit est insatiable. Su apetito es insaciable. Su apetito es insaciable. Insaciable s'écrit avec un C. I-N-S-A-C-I-A-B-L-E. On n'utilise jamais la lettre T comme en français, pour faire le son « ce ». Maintenant, si vous parlez à un ami, comment direz-vous « ton appétit est insatiable » ? Utilisez « tu » T-U, pour « ton ». Tu appetito es insaciable. Tu appetito es insaciable. On utilise « tu » pour « ton » et « su » pour « votre ». Revenons maintenant à de petites transformaciones de « ic » I-Q-U-E et « ic » I-C à « ico » I-C-O ou « ica » I-C-A. Comment diriez-vous en utilisant « casi » que l'on a déjà vu pour dire « quasiment » ces transformations sont quasiment automatiques. Estas transformaciones son casi automáticas. Je l'espère bien. Estas transformaciones son casi automáticas. Film, comme nous l'avons vu dans la méthode débutant, se dit película, qui s'écrit P-E-L-I, accent aigu, C-U-L-A. Notez bien l'accent sur le I, película. Pensez à la pellicule d'un film. Le verbe apprécier se dit apreciar, A-P-R-E-C-I-A-R. Donc, comment diriez-vous ? C'est ironique, mais le public apprécie ce film. Dites d'abord, c'est ironique. Es irónico. Es irónico. On insiste sur la syllabe précédente, ico. Irónico. Dites maintenant, mais le public apprécie ce film. Attention, film est féminin en espagnol. Pero el público aprecia esta película. Pero el público aprecia esta película. Redites toute la phrase. C'est ironique, mais le public apprécie ce film. Es irónico, pero el público aprecia esta película. Es irónico, pero el público aprecia esta película. Notez bien que l'on dit irónico et público. On insiste sur la syllabe précédente ico. Finalement, en utilisant ojalá pour si seulement, resolver, R-E-S-O-L-V-E-R, pour résoudre, comment diriez-vous ? Si seulement il existait une formule magique pour résoudre les problèmes. Dites d'abord, si seulement il existait. Pour exister, vous devrez employer existiera. E-X-I-S-T-I-E-R-A. Ojalá existiera. Ojalá existiera. Existiera est un subjonctif passé. Nous verrons ce temps dans la troisième partie de la méthode. Dites maintenant une formule magique pour résoudre les problèmes. Una fórmula mágica para resolver los problemas. Una fórmula mágica para resolver los problemas. J'espère que fórmula ne vous a pas bloqué et que vous avez essayé de le deviner. Redites-moi maintenant la phrase d'une traite. Si seulement il existait une formule magique pour résoudre les problèmes. Ojalá existiera una fórmula mágica para resolver los problemas. N'est-ce pas fantástico les progressos que vous faites grâce à ce petit transformaciones? Ojalá existiera una fórmula mágica para resolver los problemas. On peut aussi employer solucionar, S-O-L-U-C-I-O-N-A-R, qui vient de solución, pour dire résoudre. Et pour finir, traduisez-moi, le trafic est terrible. El tráfico es terrible. Malheureusement, c'est un peu partout pareil. El tráfico es terrible. Tráfico avec un seul F comme en français. Aussi, n'oubliez pas d'insister à l'oral sur le A de tráfico.